Pour fermer dans les noix, pour ne pas dire rien, voir dans ses contours. Rien n'a été beau de tout, on voit l'oscurité dimensionnée. Votre vision s'habituer, votre vision a commencé à se distinguer, filtrer les peaux de lumière qui filtrait, mais avec redondance. Filtrer s'apercevoir la chaleur est minime. Mais votre sens de la perception l'aperçu. C'est un peu perdu de ce contour dérisoire. C'est affirmé à clé, comme l'ouvrir. Vous avez demandé juste en pensant que la peur vibra. Si c'est une forme d'un flux de l'eau, vous avez fermé les yeux. Imaginez ce qu'il y aura derrière. Il y a la prospérité, il y a la promesse de venir, il y a la solvabilité de marcher, et le marché a résolu. Là, par la peur, vous avez réalisé que vous aviez marché et que vous ne vous souveniez pas et que vous aviez déjà franchi d'autres peurs. Et que votre chemin avait été long, et que cette peur était une autre peur. Sortie de nous, peur, ou selon votre pensée, la peur s'ouvrit. Abuglé par la lumière en un instant, te faudra un instant pour ouvrir les yeux. Petit à petit, votre yeux se sont adaptés. Petit à petit, vous avez votre perspective en perspective. Petit à petit, vous avez poursuivi votre promenade. La chaleur est minime, mais votre sens de la perception l'a perçu. C'est un peu perdu de ce contour. Dérisoire, et c'est fermé à clé, comme l'ouvrir. Vous avez demandé juste en pensant que la peau vibra. Les cavaliers.